Allez, on va essayer. C'est vachement aigu. T'es sympa avec ton coloc. Shadow in the blue. Attends, je relance un petit problème.